Babylon system. Wow, wow, wow. The wicked system. Ce système d'assassins, que tu sois jeune, que tu sois vieux, il n'a rien de sain, on peut plus suivre ces règles du jeu. Des familles sont par millions, on ne s'occupe même pas d'eux. On te protège, on l'air, on jette le reste au feu. Babylon t'assassine, que tu sois jeune, que tu sois vieux, il n'a rien de sain, on peut plus suivre ces règles du jeu. Des familles sont par millions, on ne s'occupe même pas d'eux. On te protège, on l'air, on jette le reste au feu. On fait ce qu'on peut, on donne le max pour pas faire de drame. On fait tout pour pas entraîner les nôtres dans les flammes. On accepte tout tant qu'on ne vient pas salir notre âme. C'est-à-dire se battre pour les frères et sœurs qui nous accompagnent. Ne pas se laisser aller par l'ivresse même si on nous condamne. Pas besoin de faire un dessin sur ce qui autour de nous se trame. Bien des jeunes dans l'ignorance trop côtoient le chétan. Pour leur dire je vais pas attendre le jour où je canne. Ce système d'assassins, que tu sois jeune, que tu sois vieux, il n'a rien de sain, on ne veut plus suivre ces règles du jeu. Des familles sous par millions, on s'occupe même pas d'eux. On prend ta monnaie, on jette le reste au feu. Babylone t'assassine, que tu sois jeune, que tu sois vieux, il n'a rien de sain, on ne veut plus suivre ces règles du jeu. On ne veut plus suivre ces règles du jeu. On ne veut plus suivre ces règles du jeu. En ce jour où l'apparence prime, tout tourne à l'envers. Toujours les mêmes qui triment, toujours les mêmes qui peinent, qui sont vénères. Tu enrichis le système qui remplace le rôle d'un père, d'une mère. C'est lui l'assassin, car ton âme n'en a rien à faire. Il place la bêtise humaine à la une et empoche la thune. Cause ainsi tous les troubles, les embrouilles et ses lacunes. Ces modes malsaines à force hantent l'esprit des incrédules. Difficile d'être guidé si t'es enfermé dans ta bulle. Ce système t'assassine, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Des familles souffrent par millions, on ne s'occupe même pas d'eux. Babylone n'a plus rien de sain, on ne veut plus suivre ses règles du jeu. On te prend ta monnaie, on jette le reste au feu. 2009, le lavage de cerveau depuis longtemps a démarré. Tant de mauvais business permis de sales faces insensées. Trop de faux débats mis en avant, tant de promesses bafouées. Il n'est pas bon d'être vrai dans leur monde, tu te feras recaler. Mais cette vérité obstinée ne peut rester enterrée une éternité. Elle gagne les quartiers, aucun homme ne peut l'arrêter. Il n'est pas trop tard pour la voir se propager. Tant mieux pour les prévenus, tant pis pour les charmés. Babylon t'assassine, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Il n'a rien de sain, on ne veut plus suivre ses règles du jeu. On ne veut plus suivre ses règles du jeu. On ne veut plus suivre ces règles du jeu. Ce système t'assassine, que tu sois jeune, que tu sois vieux. Il n'a rien de sain, on ne veut plus suivre ces règles du jeu. Des familles sont par millions, on ne s'occupe même pas d'eux. On prend ta monnaie, on jette le reste au feu. On jette le reste au feu. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Babylone, Babylone, Babylone, Babylone. Tu déconnes, tu déconnes, tu déconnes, tu déconnes. Babylone, Babylone, Babylone, Babylone. Yeah, tu finiras dans le feu, Babylone. C'est là la loi de Jah, la promesse de Jah, le jugement de Dieu. Yes, I. Don Valdez pour tous les frères et les sœurs. Ce système t'assassine. À petit feu.